Document 3, page 14. 1. Hé, c'est Robert avec sa fille. Elle est belle. Ce n'est pas sa fille, c'est Inès, sa femme. Non, mais elle est très jeune. 2. Ah, regarde Luc, le frère de Léa. Le petit chauve avec des moustaches? Oui, il apprend le chinois et il parle bien. Tu comprends le chinois, toi? 3. Tiens, le nouveau directeur. Il est beau. Tu trouves? Oh oui, il est blond, il est grand. Oui, mais un peu gros. Il a les yeux bleus. Et alors, moi aussi j'ai les yeux bleus. 4. Tu connais la femme brune devant la porte? Ah, c'est Sandra, ma fille. Elle m'attend. Mais tu as combien de filles? 7. Et un fils. Salut.